Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec les délégués aux cérémonies consacrées au 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Enfants de Corée. Y était présent Choi Ryong-hae, membre du Comité Permanent du Bureau Politique et vice-président du Comité Central du Parti Travail de Corée, Lee Il-fan, chef de département du comité central du parti, et Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Le camarade Kim Jong-un, au sourire rayonnant, a répondu de la main aux acclamations enthousiastes des enfants. Les membres de l'Organisation des enfants lui ont offert des bouquets de fleurs. Kim Jong-un a félicité chaleureusement les délégués des structures de l'Organisation des enfants, qui honore comme soleil éternel les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, ayant accompli les exploits impérissables pour le renforcement du mouvement des enfants original, et qui se forment en patriotes de la Corée et maîtres de la puissance de la jeunesse, avant de se faire photographier avec eux. Pour finir, en répondant au viva des enfants, il a exprimé sa certitude que les membres de l'Organisation des enfants, fierté et espoir de la Corée du Sud feront honneur toujours à la glorieuse Organisation des enfants Kim Il-sung, Kim Jong-il, développée sous leur direction, et se formeront en réserve fiable préparée sur le plan intellectuel, moral et physique pour l'édification d'une puissance socialiste prospère.